Notre témoignage le plus puissant ne devrait pas être à l'Église, mais là où nous travaillons et où nous vivons. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. L'ambition de puissance, c'est un fait, nourrit beaucoup d'activités dans notre monde. Cette soif de pouvoir, qui est essentiellement un désir de contrôle, peut facilement dégénérer. Car paradoxalement, c'est souvent quand nous voulons contrôler notre environnement que nous perdons la maîtrise de notre propre personne. Aujourd'hui, à En Contact, Charles Stanley nous parle de cette soif dévorante de pouvoir et attire notre attention sur la Bible et sur ce qu'elle a à dire sur la puissance du Saint-Esprit. Rappelons-nous en effet que la puissance intérieure ne peut pas être exploitée et utilisée à des fins égoïstes pour accomplir nos ambitions personnelles, mais qu'elle est plutôt disponible pour nous permettre d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Voici l'enseignement biblique de Charles Stanley. Nous vivons dans un siècle où la soif du pouvoir est palpable partout. Les nations convoitent la domination planétaire. Les politiciens rivalisent d'influence pour obtenir plus de pouvoir. Les entreprises déploient leur stratégie de monopole. Et même dans les foyers, nous pouvons voir des membres d'une même famille manœuvrer pour obtenir plus de pouvoir et de contrôle. Nous trouvons de temps à autre une personne désireuse d'exprimer sa puissance pour obtenir plus de contrôle. Même dans les églises, des membres du corps de Christ parleront librement de maîtriser la puissance du Saint-Esprit. Leur discours laisse penser qu'ils désirent la puissance du Saint-Esprit afin de leur permettre de faire certaines choses. Nous devons nous demander, est-ce une bonne chose de vouloir maîtriser la puissance du Saint-Esprit? Tournez avec moi, si vous le voulez, dans le livre des Actes, au chapitre 1er. Le verset sur lequel nous fonderons notre message aujourd'hui est essentiellement une promesse faite par Jésus-Christ. Elle porte sur le concept d'une puissance dans la vie du croyant. À quoi la Bible fait-elle référence quand elle nous parle de puissance spirituelle? La puissance spirituelle est l'énergie divine avec laquelle Dieu daigne s'exprimer par et à travers une personne. Elle indique aussi l'autorité divine par laquelle une personne peut accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelée, peu importe la nature de cette œuvre. Regardons Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il est intéressant de noter qu'à chaque mention de la puissance du Saint-Esprit dans les Écritures, elle se rapporte toujours au témoignage, à la propagation de l'Évangile de vérité, afin que la vie des gens soit transformée pour la gloire de Dieu. Beaucoup de gens pensent, si cette puissance réside à l'intérieur du croyant, nous devrions certainement être en mesure de l'utiliser, car elle ne devrait pas demeurer inactive en nous. Plusieurs personnes entretiennent cette idée que la puissance du Saint-Esprit est une puissance que nous devons maîtriser si nous voulons l'utiliser pour accomplir le travail auquel Dieu nous a appelés. Et je comprends pourquoi tant de gens croient cela et comment ils sont parvenus à ce genre de conclusion. Or, nous devrions examiner le message des Écritures concernant le croyant rempli de l'Esprit ainsi que sa relation avec la puissance de Dieu. Le croyant rempli du Saint-Esprit est une personne qui, à chaque instant, dépend de l'Esprit de Dieu, lui fait confiance, lui obéit et est également sensible à ses incitations. En d'autres mots, le Saint-Esprit n'est pas obligé de le forcer à grands coups sur la tête, ni de mettre de la pression sur ce croyant pour lui faire accomplir la volonté de Dieu. Je l'ai souvent dit et je le répète. Vous devez comprendre qu'une erreur souvent rencontrée dans l'Église est la fausse idée selon laquelle la puissance du Saint-Esprit est l'apanage exclusif des pasteurs, des missionnaires, des enseignants bibliques ou d'autres personnes exerçant un ministère dans l'Église. En fait, l'Esprit de Dieu habite à l'intérieur de tous les croyants et leur rend disponible la puissance surnaturelle nécessaire à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans leur vie. Cessons donc de reléguer cette puissance dans les cieux ou dans un autre endroit inaccessible afin de nous l'approprier dans notre vie. Nous verrons ainsi comment Dieu entend libérer cette puissance par et à travers nous. Car non seulement Jésus-Christ a-t-il exercé son ministère par la puissance du Saint-Esprit, mais dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 47, notre Seigneur dit « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et un peu plus loin, au verset 49, il est écrit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Les disciples n'avaient alors pas encore reçu la puissance nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Ils n'auraient jamais été capables de vivre la vie que Dieu leur demandait de vivre, et nous ne le serions pas non plus sans cette puissance. Pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, nous devons absolument vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. La puissance surnaturelle de Dieu se trouve dans la plénitude du Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens comprennent mal ce point. Ils pensent qu'ils doivent réclamer, récolter et aller chercher la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir la contrôler et l'utiliser. Or, on ne trouve nulle part dans la Bible un enseignement selon lequel nous pouvons obtenir la puissance du Saint-Esprit afin d'utiliser l'Esprit de Dieu. Il n'a pas été envoyé pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Rappelons-nous bien que le Saint-Esprit est venu habiter et vivre en nous afin d'obtenir le plein contrôle et la pleine possession de notre vie. Il n'est pas venu en nous pour être utilisé par nous, mais pour nous utiliser. En venant habiter en nous, il exprime par le moyen de notre vie la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit n'est donc pas destinée à être utilisée à nos propres fins, mais pour glorifier Dieu. Relisons Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Dans la Bible, la puissance du Saint-Esprit dans la vie du croyant est toujours reliée aux besoins du ministère, au service envers Dieu, au témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ et à toute autre activité servant à glorifier le nom de Dieu. Nous pouvons parfois voir et entendre des gens parler de la puissance de Dieu. Malheureusement, tout ce qui est supposé être fait par la puissance de Dieu n'est pas la puissance de Dieu. Parfois, des hommes possédant des personnalités fortes ou de grandes capacités de persuasion et qui utilisent des techniques psychologiques peuvent faire toutes sortes de choses en prétendant agir par la puissance du Saint-Esprit. Or, parfois, le Saint-Esprit n'a rien à voir là-dedans, car tout ce qui glorifie l'homme n'est pas de Dieu. Tout ce qui est fait pour exalter l'homme, son habileté, ses talents, sa personnalité, son charisme et toute autre expression de la chair ne vient pas de Dieu. Rappelez-vous bien de ceci, cela n'est pas de Dieu. Or, tout ce qui est de Dieu, ce qui vient de Dieu et ce qui est fait par Dieu le glorifiera. Cependant, les gens se laissent parfois séduire par une personnalité impressionnante et lui donnent un mérite qui ne lui revient pas. Pourtant, Dieu seul peut réaliser des miracles. Dieu seul peut répondre aux prières. Dieu seul peut pardonner les péchés. L'homme n'est qu'un moyen de transmission par lequel et dans lequel le Saint-Esprit passe. Le Saint-Esprit utilise les enfants de Dieu pour exprimer la gloire du Père et le caractère de Jésus-Christ par et à travers eux. Et il utilise seulement ce qui est propre, pur, soumis et obéissant à la volonté de Dieu. Lorsqu'il marchait sur la terre, Jésus-Christ n'a jamais rien fait pour attirer l'attention sur sa propre personne, mais il faisait tout pour glorifier le Père éternel. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples dans l'Évangile selon Jean chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus fait seulement les choses qu'il a vues son Père faire. Les gens qui veulent voir de grandes œuvres, des miracles et des merveilles auront toujours besoin de plus grandes œuvres, de plus gros miracles et de merveilles plus fantastiques pour pouvoir conserver leur foi ou l'agrandir. Mais nous devons nous poser la question. Pourquoi Jésus-Christ, le Fils incarné du Dieu vivant, n'est-il pas suffisant? Car, en réalité, il est tout à fait suffisant pour notre foi. Si nous marchons dans sa parole et que nous demeurons en elle, Dieu accomplira sa volonté en nous utilisant et par les actions qu'il veut nous voir faire. Et cela, pas pour satisfaire la soif de sensationnel et la curiosité des foules qui, pour avoir la foi, veulent être émerveillées et étonnées par des événements inhabituels et dramatiques. Pourtant, Dieu répond à la prière d'une manière incroyable. Dieu accomplit des miracles. Nous en avons été les témoins. À de nombreuses reprises, nous l'avons vu accomplir des choses qu'il était le seul à pouvoir faire. Il ne voulait pas nous faire une démonstration, mais il voulait nous rendre humbles devant lui, afin que nous reconnaissions sa fidélité et son omnipotence. C'est pourquoi nous ne voulons pas utiliser la puissance de Dieu pour notre propre gloire. Faisons donc sortir cette puissance surnaturelle du ciel pour la faire descendre ici-bas sur terre. Je dis cela comme une image, car elle est déjà ici, en vous, si vous êtes un enfant de Dieu. Cette puissance surnaturelle réside en vous et Dieu entend libérer cette énergie, autorité et sagesse divine et surnaturelle dans votre vie, comme dans celle de tout autre croyant. Nous sommes tous égaux devant Dieu là-dessus. Toutefois, il existe un domaine dans lequel nous ne sommes pas tous égaux, car, voyez-vous, l'Esprit de Dieu ne circule pas quand il y a désobéissance. Il circule seulement dans un vecteur rempli de l'Esprit qui se trouve en tout temps dans un état de dépendance, de sensibilité et d'obéissance instantanée aux incitations de l'Esprit de Dieu. C'est avec ce genre d'attitude que le courant spirituel passera le mieux dans le croyant et avec un minimum de résistance. Malheureusement, cela signifie que la plupart des croyants n'ont aucune idée de l'énorme potentiel résidant en eux. Car ils ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu et ils ne lui permettent pas de circuler librement en eux. Cela vous paraît-il trop fantastique pour être vrai? Alors, regardez ce passage qui décrit un épisode de la vie de Jésus. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Nous voyons que Jésus est rempli du Saint-Esprit qui le pousse à l'action. Plus loin, au verset 14, nous voyons comment le Saint-Esprit était en lui. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et que fait-il alors? Il entre dans la synagogue locale, prend le parchemin et se met à enseigner la parole de Dieu. Toujours dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus savait que la puissance du Saint-Esprit, dont il disposait à ce moment, n'était pas en lui pour lui assurer une existence d'aisance, de confort et de plaisir. Jésus-Christ est venu sur terre pour servir son Père céleste. Il est venu sur terre pour livrer sa vie en rançon pour un grand nombre de personnes. Il est devenu le sacrifice de substitution qui est parvenu à payer la dette du péché de l'humanité tout entière. Jésus-Christ est venu sur terre pour s'offrir en sacrifice pour nous et Dieu le Père lui a donné tout ce dont il avait besoin pour réussir sa mission. On pourrait objecter, oui, mais il s'agit de Jésus, le Fils de Dieu. Et alors, que faites-vous de Jean, chapitre 14, verset 12, où Jésus dit à ses disciples, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Jésus s'en allait vers le Père pour nous envoyer son Saint-Esprit, afin que nous puissions faire encore mieux que lui. Quelle excuse avons-nous donc? Aucun enfant de Dieu n'est pas totalement équipé par la puissance du Saint-Esprit pour accomplir l'appel de Dieu dans sa vie si nous décidons de lui obéir. Voyons maintenant comment cette puissance s'exprime dans notre vie. Et je vous le répète une autre fois, nous n'avons aucun besoin de faire descendre cette puissance d'en haut. Elle est déjà en nous. Un des moyens que Dieu veut prendre pour exprimer cette puissance à travers nous est par le fruit de l'Esprit. Peu de gens s'intéressent à cet aspect de la puissance de Dieu, car ils s'en font une idée fausse. Ils veulent entendre parler d'une puissance miraculeuse, fantastique et dramatique, qui sera impressionner les gens. Or, qu'est-ce que Dieu veut faire de nous? Créer un caractère sanctifié en nous ou faire des choses époustouflantes à travers nous. Croyez-moi, Dieu veut créer en nous un caractère sanctifié semblable à son Fils Jésus-Christ. Tournons donc dans Galates chapitre 5, verset 22, et revoyons la description de ce fruit spirituel. Notons bien qu'il ne s'agit pas du fruit du croyant, mais du fruit de l'Esprit, c'est-à-dire ce que l'Esprit de Dieu produit en nous. Verset 22. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si nous sommes francs, nous admettrons que nous ne pouvons pas produire cette liste de qualités par nous-mêmes, particulièrement lorsque nous sommes rejetés, ridiculisés, qu'une tempête fait rage tout autour de nous, que nous avons été brusqués et abusés de différentes manières, qu'on nous a trahis et que tout semble complètement hors de contrôle. Quand tout va mal, nous avons tendance à dire « Comment voulez-vous que je marche dans l'esprit dans de telles conditions? Comment pouvez-vous espérer que je cultive ce genre d'attitude? » Vous ne le pouvez pas, justement. C'est pourquoi il vous faut la puissance de l'esprit. L'Esprit de Dieu exprime sa puissance principalement de deux façons. La première est par son fruit. La puissance de l'Esprit de Dieu s'exprimera par le fruit du Saint-Esprit et fera de nous des témoins efficaces de trois manières. Quand l'Esprit de Dieu œuvre en nous, il témoigne de la puissance de Dieu en attirant les incroyants à Jésus-Christ. Voici comment il peut s'y prendre. Quand l'Esprit de Dieu exprime par nous son amour, sa joie, sa paix, sa patience, sa bonté, sa bienveillance, sa douceur et sa maîtrise de soi, quand tout va mal autour de nous, pouvez-vous rêver d'un témoignage plus efficace? Notre témoignage le plus puissant ne viendra pas d'un sermon ou des mots qui sortent de notre bouche, mais par notre mode de vie quand la pression se fait intense, quand tout va mal, quand nous faisons face à d'énormes tentations et à une multitude de problèmes, et que, malgré tout cela, nous demeurons dans une attitude de calme, de tranquillité, de paix intérieure, de fidélité absolue et d'obéissance envers notre Dieu. Quand tout s'écroule autour de nous, notre attitude est le message le plus puissant que les incroyants puissent recevoir. Oh, ils pourront refuser notre doctrine, mais ils ne pourront pas nier notre vie centrée sur Dieu. Ils pourraient ne pas l'apprécier. Elle pourrait même les déranger et les mettre en colère. Elle peut les rendre inconfortables. Toutefois, l'expression d'un caractère sanctifié au milieu des difficultés et des épreuves produira une réaction. Car, quand tout va bien dans la vie, peut-on voir une différence entre l'attitude du croyant et celle de l'incroyant? Pas vraiment. Les deux sont en paix, souriants. Mais quand tout s'écroule, autour de vous, vous trouverez en Dieu cette foi stable, tranquille et confiante, qui saura vous transporter à travers cette vallée profonde et sombre de votre vie. Et l'incroyant vous regardera aller en se demandant « C'est quoi son truc ?» Comment arrive-t-il à faire face à toutes ces catastrophes sans jamais sembler déboussolé, sans faire aucune concession et en conservant sa foi sans jamais douter de son Dieu? Il s'agit là d'un témoignage précieux, car c'est la preuve du caractère du Christ qui habite en nous. La deuxième manière dont l'Esprit de Dieu exprime sa puissance pour influencer et conduire les gens à une connaissance du salut en Jésus-Christ et accomplir sa volonté est celle-ci. Notre puissance spirituelle intérieure nous donne un moyen d'entrer en relation les uns avec les autres dans le corps de Christ afin de pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu avec succès. Un genre de puissance relationnelle s'échange entre des gens remplis de l'Esprit. Je vous propose cette image. L'Esprit de Dieu est pour l'Église ce que l'huile est à un moteur d'automobile. Quel est son rôle? Elle lubrifie les composantes pour diminuer les frictions et assurer une bonne marche. Or, sans huile, les frictions reviennent, des grains de sable apparaissent dans l'engrenage et éventuellement tout s'arrête. Et on se demande ensuite pourquoi tant d'églises connaissent des périodes troubles qui dégénèrent parfois en division. Les membres commencent par ne plus s'aimer, ensuite ils se prêtent de mauvaises intentions. Ils s'accusent mutuellement et finissent par détruire honteusement le témoignage de Dieu dans la communauté où ils sont implantés. La raison est fort simple. Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit et ils tentaient d'accomplir l'œuvre surnaturelle de Dieu sans sa puissance surnaturelle. Fatalement, il y a eu des frictions, et finalement, parce que certains n'aimaient pas la musique et que d'autres n'aimaient pas les sermons, ils en ont fait tout un plat et ils se sont disputés comme des gamins. Et en prétendant faire tout cela au nom de Jésus-Christ, une partie de l'Église s'en est allée fonder une autre assemblée. Savez-vous pourquoi ces églises ne grandissent pas, ne grandiront pas et même ne grandiront jamais? Parce qu'elles ont été fondées avec de mauvaises motivations. On ne peut pas se passer du Saint-Esprit. Vivre dans la chair, démarrer une nouvelle église et s'attendre à ce que Dieu bénisse. Nous n'arriverons jamais à accomplir l'œuvre de Dieu si l'Esprit de Dieu n'exerce pas un contrôle total sur notre vie. Car à ce moment, nous aurons des frictions, des problèmes, des peines et des fardeaux. Le pire, c'est que parfois, un homme de Dieu, un serviteur fidèle, est appelé à travailler dans ce genre d'église fondée pour de mauvaises raisons. Et on s'attend à ce qu'il prêche l'Évangile et enseigne la parole de Dieu. Il fait de son mieux pour satisfaire aux besoins de ses membres. Or, tout autour de lui, il ne voit que friction et parti pris. Il n'y comprend rien. Il voit tous ces gens qui ne s'aiment pas et qui ont appelé un homme pour accomplir un travail impossible. Et je dois vous dire, avec tout l'amour que Dieu met dans mon cœur, que si vous êtes membre de ce genre d'église, vous avez le choix. Vous pouvez vous réconcilier avec Dieu, vous agenouiller dans la prière, en encourageant votre assemblée à se repentir de votre péché, de cette mauvaise idée d'avoir fondé une église de la mauvaise façon. Vous devez aussi élever votre pasteur dans la prière afin que Dieu l'utilise pour susciter un réveil dans votre assemblée. Si vous faites cela, vous verrez votre église croître. Mais si vous ne faites pas cela et que vous pensez implanter une église en l'absence de l'Esprit de Dieu, vous perdez votre temps. L'Esprit de Dieu ne transmettra pas une puissance dans des cœurs où il n'est pas le bienvenu. Il ne peut y avoir qu'un chef suprême dans une église, et c'est le Dieu Tout-Puissant. Ce dernier délèguera ensuite son autorité à des serviteurs et servantes fidèles remplis du Saint-Esprit. Or, quand nous négligeons cet aspect, nous nous exposons à connaître une suite de problèmes, de peines, de déceptions, de divisions, de conflits et beaucoup d'autres choses désagréables. Le troisième moyen d'expression de la puissance de Dieu à travers nous, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, est notre système de défense. Retournons à notre liste du fruit de l'Esprit dans Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. J'aimerais vous poser une question. Laquelle de ces qualités vous occasionne le plus de problèmes? Dieu connaît nos points faibles ou les défauts de notre cuirasse. C'est également pour cette raison qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. Une de ses tâches consiste à répondre à nos besoins. Pour ma part, quand je regarde cette liste, les deux éléments qui me donnent le plus de mal sont la foi dans le sens de fidélité et la maîtrise de soi. Il n'est pas toujours facile d'être fidèle ni de se maîtriser. Et dans le cas présent, il s'agit moins de se maîtriser soi-même que de laisser au Saint-Esprit la maîtrise et le contrôle de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Quand la tentation survient et vous tombe dessus comme un cheveu sur la soupe, vos chances de résister à cette tentation sans l'Esprit de Dieu sont pratiquement nulles. Car de la même façon qu'un animal sauvage ne pourra jamais se domestiquer lui-même, vous ne pourrez jamais vraiment vous maîtriser en tout temps par vous-même. Votre chair ne peut se combattre elle-même. Or, en dépendant de l'Esprit de Dieu qui habite en vous, en étant sensible et obéissant à ses douces incitations, vous pouvez y parvenir. Dieu nous a conféré sa puissance par et à travers son Saint-Esprit afin d'attirer les incroyants à lui. Nous travaillerons ici ensemble à accomplir et à instaurer le royaume de Dieu et à nous bâtir un système de défense qui compensera nos points faibles grâce à l'aide du Saint-Esprit. Nous pourrons ainsi ressentir la puissance de Dieu et nous aurons l'autorité de refuser le péché, la tentation et de dire non à Satan. Je le répète, nous n'y arriverons pas grâce à notre seule chair ni à nous-mêmes, mais par la puissance de Dieu, libérée en nous et à travers nous. La puissance de Dieu est disponible non pour notre propre bénéfice, mais pour celui de notre prochain et pour la gloire de Dieu. Nous ne devons donc pas chercher à nous accaparer cette puissance, mais au contraire, la laisser circuler en nous et à travers nous. Demandons à l'Esprit de diriger notre vie, de la contrôler en tout temps, de la maîtriser pour la gloire de Dieu. Votre entourage peut-il percevoir le reflet du caractère de Dieu en vous? Ou vous laissez-vous contrôler par vos états d'âme et vos circonstances? Rappelez-vous que Dieu vous a donné son Saint-Esprit pour vous permettre de vous élever au-dessus de toutes les situations de votre vie. C'est par son Saint-Esprit que Dieu nous révèle sa vérité, comme Jésus l'explique dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Profitons de la présence du Saint-Esprit, cet aidant qui habite en nous. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-6647 ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.